demandé. Je me demandais si tes cheveux blancs étaient une blague d'identité ou bien le signe d'une propagande. Tu n'as qu'un air pour te défendre, un désert de curiosité caché. Mais quand le premier sera cendre, tu seras content de le remplacer. Mais quand le premier sera cendre, tu seras content de le remplacer. Pierre Lamondé, je me demandais si à cette vie on devait dire merde en anglais ou bien ponctuer le mot qui jaillit. Tu mets des points après ces mots, une envie de curiosité cachée. Et quand ces mots tu les connais, comment arrives-tu à les sublimer? Et quand ces mots tu les connais, comment arrives-tu à les sublimer? Pierre Lamondé, je me demandais s'il fallait croire au coup de la maison brûlée et au coup du piano reflet miroir. Tes caresses sont si invisibles, un mouvement de curiosité caché. Et quand je balaye tes cils, je crois que le temps il doit s'arrêter. Et quand je balaye tes cils, je crois que le temps il doit s'arrêter. Pierre, au monde où Pierre, je crois que je ne dois pas demander comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu dirais tais-toi, faut imaginer, faut vivre tout et tenter fort. Sentiment de curiosité caché. Et moi je pars nourrir mon corps de tes tendresses qui poussent à rêver. Et moi je pars nourrir mon corps de tes tendresses qui poussent à rêver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,